Génie du christianisme de François-René de Chateaubriand, deuxième partie, Poétique du christianisme. Livre 1, Vue générale des épopées chrétiennes. Chapitre 1er, que la poétique du christianisme se divise en trois branches, poésie, beaux-arts, littérature. Que les 6 livres de cette seconde partie traitent spécialement de la poésie. Le bonheur des élus, chanté par l'Homère chrétien, nous mène naturellement à parler des effets du christianisme dans la poésie. En traitant du génie de cette religion, comment pourrions-nous oublier son influence sur les lettres et sur les arts ? Influence qui a, pour ainsi dire, changé l'esprit humain et créé dans l'Europe moderne des peuples tout différents des peuples antiques. Les lecteurs aimeront peut-être à s'égarer sur Horeb et Sinaï, sur les sommets de l'Ida et du Tégét, parmi les fils de Jacob et de Priam, au milieu des dieux et des bergers. Une voix poétique s'élève des ruines qui couvrent la Grèce et l'Idumée, et crie de loin aux voyageurs, il n'est que 2 belles sortes de noms et de souvenirs dans l'histoire, ceux des Israélites et des Pélages. Les 12 livres que nous avons consacrés à ces recherches littéraires composent, comme nous l'avons dit, la seconde et la troisième partie de notre ouvrage, et sépare les 6 livres du dogme des 6 livres du culte. Nous jetterons d'abord un coup d'œil sur les poèmes où la religion chrétienne tient la place de la mythologie, parce que l'épopée est la première des compositions poétiques. Aristote, il est vrai, a prétendu que le poème épique est tout entier dans la tragédie. Mais ne pourrait-on pas croire, au contraire, que c'est le drame qui est tout entier dans l'épopée. Les adieux d'Hector et d'Andromaque, Priam dans la tente d'Achille, Didon à Carthage, Énée chez Évandre, ou renvoyant le corps du jeune Pallas, Tancrède et Herminie, Adam et Ève, sont de véritables tragédies, où il ne manque que la division des scènes et le nom des interlocuteurs. D'ailleurs, la tragédie même n'est-elle pas née de l'Iliade, comme la comédie est sortie du Margitès? Mais si Calliope emprunte les ornements de Melpomène, la première a des charmes que la seconde ne peut imiter. Le merveilleux, les descriptions, les épisodes ne sont point du ressort dramatique. Toute espèce de ton, même le ton comique, toute harmonie poétique, depuis la lyre jusqu'à la trompette, peuvent se faire entendre dans l'épopée. L'épopée a donc des parties qui manquent au drame. Elle demande donc un talent plus universel. Elle est donc une œuvre plus complète que la tragédie. En effet, on peut avancer avec quelque vraisemblance qu'il est moins difficile de faire les syntactes d'un Œdipe roi que de créer les 24 livres d'une Iliade. Autre chose est de produire un ouvrage de quelques mois de travail. Autre chose et d'élever un monument qui demande les labeurs de toute une vie. Sophocle et Euripide étaient sans doute de beaux génies, mais ont-ils obtenu dans les siècles cette admiration, cette hauteur de renommée dont jouissent si justement Homère et Virgile? Enfin, si le drame est la première des compositions, et que l'épopée ne soit que la seconde, comment se fait-il que depuis les Grecs jusqu'à nous, on ne compte que 5 ou 6 poèmes épiques, tandis qu'il n'y a pas de nation qui ne se vante de posséder plusieurs bonnes tragédies. Chapitre 2. Vue générale des poèmes, où le merveilleux du christianisme remplace la mythologie. L'enfer du Dante, la Jérusalem délivrée. Posons d'abord quelques principes. Dans toute épopée, les hommes et leurs passions sont faits pour occuper la première et la plus grande place. Ainsi, tout poème où une religion est employée comme sujet et non comme accessoire, où le merveilleux est le fond et non l'accident du tableau, pèche essentiellement par la base. Si Homère et Virgile avaient établi leur scène dans l'Olympe, il est douteux, malgré leur génie, qu'ils eussent pu soutenir jusqu'au bout l'intérêt dramatique. D'après cette remarque, il ne faut plus attribuer au christianisme la langueur qui règne dans le poème dont les principaux personnages sont des êtres surnaturels. Cette langueur tient au vice même de la composition. Nous verrons, à l'appui de cette vérité, que plus le poète dans l'épopée garde un juste milieu entre les choses divines et les choses humaines, plus il devient divertissant, pour parler comme des préaux. Divertir afin d'enseigner est la première qualité requise en poésie. Sans rechercher quelques poèmes écrits dans un latin barbare, le premier ouvrage qui s'offre à nous est « La Divina Commedia » du Dante. Les beautés de cette production bizarre découlent presque entièrement du christianisme. Ses défauts tiennent au siècle et au mauvais goût de l'auteur. Dans le pathétique et dans le terrible, le Dante a peut-être égalé les plus grands poètes. Nous reviendrons sur les détails. Il n'y a dans les temps modernes que deux beaux sujets de poèmes épiques, les croisades et la découverte du Nouveau Monde. Malfilâtre se proposait de chanter la dernière. Les muses regrettent encore que ce jeune poète ait été surpris par la mort avant d'avoir exécuté son dessein. Toutefois, ce sujet a pour un Français le défaut d'être étranger. Or, c'est un autre principe de toute vérité qu'il faut travailler sur un fond antique, ou, si l'on choisit une histoire moderne, qu'il faut chanter sa nation. Les croisades rappellent la Jérusalem délivrée. Ce poème est un modèle parfait de composition. C'est là qu'on peut apprendre à mêler les sujets sans les confondre. L'art avec lequel le Tasse vous transporte d'une bataille à une scène d'amour, d'une scène d'amour à un conseil, d'une procession à un palais magique, d'un palais magique à un camp, d'un assaut à la grotte d'un solitaire, du tumulte d'une cité assiégée à la cabane d'un pasteur, cet art, disons-nous, est admirable. Le dessin des caractères n'est pas moins savant. La férocité d'Argan est opposée à la générosité de Tancrède. La grandeur de Soliman à l'éclat de Renaud. La sagesse de Godefroy à la ruse d'Aladin. Il n'y a pas jusqu'à l'ermite Pierre, comme l'a remarqué Voltaire, qui ne fasse un beau contraste avec l'enchanteur Ismène. Quant aux femmes, la coquetterie est peinte dans Armide, la sensibilité dans Herminie, l'indifférence dans Clorinde. Le Tasse eût parcouru le cercle entier des caractères des femmes s'il eût représenté la mère. Il faut peut-être chercher la raison de cette omission dans la nature de son talent, qui avait plus d'enchantement que de vérité et plus d'éclat que de tendresse. Homère semble avoir été particulièrement doué de génie, Virgile de sentiment, le Tasse d'imagination. On ne balancerait pas sur la place que le poète italien doit occuper s'il faisait quelquefois rêver sa muse en imitant les soupirs du cygne de Mantoue. Mais le Tasse est presque toujours faux quand il fait parler le cœur, et comme les traits de l'âme sont les véritables beautés, il demeure nécessairement au-dessous de Virgile. Au reste, si la Jérusalem a une fleur de poésie exquise, si l'on y respire l'âge tendre, l'amour et les plaisirs du grand homme infortuné qui composa ce chef-d'œuvre dans sa jeunesse, on y sent aussi les défauts d'un âge qui n'était pas assez mûr pour la haute entreprise d'une épopée. L'octave du Tasse n'est presque jamais pleine, et son vers, trop vite fait, ne peut être comparé au vers de Virgile, 100 fois retrempé au feu des muses. Il faut encore remarquer que les idées du Tasse ne sont pas d'une aussi belle famille que celles du poète latin. Les ouvrages des anciens se font reconnaître, nous dirions presque, à leur sang. C'est moins chez eux, ainsi que parmi nous, quelques pensées éclatantes, au milieu de beaucoup de choses communes, qu'une belle troupe de pensées qui se conviennent et qui ont toutes comme un air de parenté. C'est le groupe des enfants de Niobé, nus, simples, pudiques, rougissants, se tenant par la main avec un doux sourire, et portant pour seul ornement dans leurs cheveux une couronne de fleurs. D'après la Jérusalem, on sera du moins obligé de convenir qu'on peut faire quelque chose d'excellent sur un sujet chrétien. Et que serait-ce donc si le Tasse eût osé employer les grandes machines du christianisme ? Mais on voit qu'il a manqué de hardiesse. cette timidité l'a forcé d'user des petits ressorts de la magie, tandis qu'il pouvait tirer un parti immense du tombeau de Jésus-Christ, qu'il nomme à peine, et d'une terre consacrée par tant de prodiges. La même timidité l'a fait échouer dans son ciel. Son enfer a plusieurs traits de mauvais goût. Ajoutons qu'il ne s'est pas assez servi du mahométisme, dont les rites sont d'autant plus curieux qu'ils sont peu connus. Enfin, il aurait pu jeter un regard sur l'ancienne Asie, sur cette Égypte si fameuse, sur cette grande Babylone, sur cette superbe Tyre, sur les temps de Salomon et d'Isaïe. On s'étonne que sa muse ait oublié la harpe de David en parcourant Israël. N'entendons plus sur le sommet du Liban la voix des prophètes ? Leurs ombres n'apparaissent-elles pas quelquefois sous les cèdres et parmi les pins ? Les anges ne chantent-ils plus sur Golgotha ? Et le torrent de Cédron a-t-il cessé de gémir ? On est fâché que le Tasse n'ait pas donné quelques souvenirs aux patriarches. Le berceau du monde, dans un petit coin de la Jérusalem, ferait un assez bel effet. Chapitre 3. Paradis perdu. On peut reprocher au Paradis perdu de Milton, ainsi qu'à l'enfer du Dante, le défaut dont nous avons parlé. Le merveilleux est le sujet, et non la machine, de l'ouvrage. Mais on y trouve des beautés supérieures qui tiennent essentiellement à notre religion. L'ouverture du poème se fait aux enfers, et pourtant ce début n'a rien qui choque la règle de simplicité prescrite par Aristote. Pour un édifice si étonnant, il fallait un portique extraordinaire, afin d'introduire le lecteur dans ce monde inconnu dont il ne devait plus sortir. Milton est le premier poète qui ait conclu l'épopée par le malheur du principal personnage, contre la règle généralement adoptée. Qu'on nous permette de penser qu'il y a quelque chose de plus intéressant, de plus grave, de plus semblable à la condition humaine, dans un poème qui aboutit à l'infortune que dans celui qui se termine au bonheur. On pourrait même soutenir que la catastrophe de l'Iliade est tragique, car si le fils de Pélée atteint le but de ses désirs, toutefois la conclusion du poème laisse un sentiment profond de tristesse. On vient de voir les funérailles de Patrocle, Priam rachetant le corps d'Hector, la douleur d'Hécube et d'Andromaque, et l'on aperçoit, dans le lointain, la mort d'Achille et la chute de Troie. Le berceau de Rome chanté par Virgile est un grand sujet, sans doute. Mais que dire du sujet d'un poème qui peint une catastrophe dont nous sommes nous-mêmes les victimes, qui ne nous montre pas le fondateur de telle ou telle société, mais le père du genre humain ? Milton ne vous entretient ni de batailles, ni de jeux funèbres, ni de camps, ni de villes assiégées. Il retrace la première pensée de Dieu, manifestée dans la création du monde, et les premières pensées de l'homme au sortir des mains du Créateur. Rien de plus auguste et de plus intéressant que cette étude des premiers mouvements du cœur de l'homme. Adam s'éveille à la vie, ses yeux s'ouvrent, il ne sait d'où il sort. Il regarde le firmament. Par un mouvement de désir, il veut s'élancer vers cette voûte. Il se trouve debout, la tête levée vers le ciel. Il touche ses membres, il court, il s'arrête, il veut parler et il parle. Il nomme naturellement ce qu'il voit et s'écrie « Ô toi, soleil !» Et vous, arbres, forêts, collines, vallées, animaux divers ! Et les noms qu'il donne sont les vrais noms des êtres. Et pourquoi Adam s'adresse-t-il au soleil, aux arbres ? Soleil, arbre, dit-il, savez-vous le nom de celui qui m'a créé ? Ainsi, le premier sentiment que l'homme éprouve est le sentiment de l'existence de l'être suprême. Le premier besoin qu'il manifeste est le besoin de Dieu, que Milton est sublime dans ce passage. Mais se fût-il élevé à ses pensées s'il n'eût connu la religion de Jésus-Christ ? Dieu se manifeste à Adam. La créature et le créateur s'entretiennent ensemble. Ils parlent de la solitude. Nous supprimons les réflexions. La solitude ne vaut rien à l'homme. Adam s'endort. Dieu tire du sein même de notre premier père une nouvelle créature et la lui présente à son réveil. La grâce est dans sa démarche, le ciel dans ses yeux, et la dignité et l'amour dans tous ses mouvements. Elle s'appelle la femme. Elle est née de l'homme. L'homme quittera pour elle son père et sa mère. Malheur à celui qui ne sentirait pas là-dedans la divinité. Le poète continue à développer ses grandes vues de la nature humaine, cette sublime raison du christianisme. Le caractère de la femme est admirablement tracé dans la fatale chute. Ève tombe par amour-propre. Elle se vante d'être assez forte pour s'exposer seule. Elle ne veut pas qu'Adam l'accompagne dans le lieu où elle cultive des fleurs. Cette belle créature, qui se croit invincible en raison même de sa faiblesse, ne sait pas qu'un seul mot peut la subjuguer. L'Écriture nous peint toujours la femme esclave de sa vanité. Quand Isaïe menace les filles de Jérusalem, « Vous perdrez, leur dit-il, vos boucles d'oreilles, vos bagues, vos bracelets, vos voiles. » On a remarqué de nos jours un exemple frappant de ce caractère. Telles femmes, pendant la Révolution, ont donné des preuves multipliées d'héroïsme, et leur vertu est venue depuis échouer contre un bal, une parure, une fête. Ainsi s'explique une de ces mystérieuses vérités cachées dans les Écritures. En condamnant la femme à enfanter avec douleur, Dieu lui a donné une très grande force contre la peine. Mais en même temps, et en punition de sa faute, il l'a laissée faible contre le plaisir. Aussi Milton appelait-il la femme « fair defect of nature », « beau défaut de la nature ». La manière dont le poète anglais a conduit la chute de nos premiers pères mérite d'être examinée. Un esprit ordinaire n'aurait pas manqué de renverser le monde au moment où Ève porte à sa bouche le fruit fatal. Milton s'est contenté de faire pousser un soupir à la terre qui vient d'enfanter la mort. On est beaucoup plus surpris, parce que cela est beaucoup moins surprenant. Quelle calamité cette tranquillité présente de la nature ne fait-elle point entrevoir dans l'avenir ? Tertullien, cherchant pourquoi l'univers n'est point dérangé par les crimes des hommes, en apporte une raison sublime. Cette raison, c'est la patience de Dieu. Lorsque la mère du genre humain présente le fruit de science à son époux, notre premier père ne se roule point dans la poudre, ne s'arrache point les cheveux, ne jette point de cris. Un tremblement le saisit, il reste muet, la bouche entrouverte et les yeux attachés sur son épouse. Il aperçoit l'énormité du crime. D'un côté, s'il désobéit, il devient sujet à la mort. De l'autre, s'il reste fidèle, il garde son immortalité. Mais il perd sa compagne, désormais condamnée au tombeau. Il peut refuser le fruit, mais peut-il vivre sans Ève ? Le combat n'est pas long, tout un monde est sacrifié à l'amour. Au lieu d'accabler son épouse de reproches, Adam la console et prend de sa main la pomme fatale. À cette consommation du crime, rien ne s'altère encore dans la nature. Les passions seulement font gronder leurs premiers orages dans le cœur du couple malheureux. Adam et Ève s'endorment, mais ils n'ont plus cette innocence qui rend les songes légers. Bientôt, ils sortent de ce sommeil agité comme on sortirait d'une pénible insomnie. As fromen rest. C'est alors que le péché se présente à eux. « Qu'avons-nous fait ? » s'écrie Adam. « Pourquoi es-tu nu ? Couvrons-nous, de peur qu'on ne nous voie dans cet état ?» Le vêtement ne cache point une nudité dont on s'est aperçu. Cependant, la faute est connue au ciel. Une sainte tristesse saisit les anges, mais « that sadness, mixed with pity, did not alter their bliss ». Cette tristesse, mêlée à la pitié, n'altéra point leur bonheur. Mot chrétien est d'une tendresse sublime. Dieu envoie son Fils pour juger les coupables. Le juge descend. Il appelle Adam. « Où es-tu ? » lui dit-il. Adam se cache. « Seigneur, je n'ose me montrer à vous, parce que je suis nu. Comment sais-tu que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de science ? » Quel dialogue ! Cela n'est point d'invention humaine. Adam confesse son crime. Dieu prononce la sentence. « Homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu déchireras péniblement le sein de la terre. Sorti de la poudre, tu retourneras en poudre. Femme, tu enfanteras avec douleur. » Voilà l'histoire du genre humain en quelques mots. Nous ne savons pas si le lecteur est frappé comme nous, mais nous trouvons dans cette scène de la Genèse quelque chose de si extraordinaire et de si grand qu'elle se dérobe à toutes les explications du critique. L'admiration manque de termes et l'art rentre dans le néant. Le Fils de Dieu remonte au ciel après avoir laissé des vêtements aux coupables. Alors commence ce fameux drame entre Adam et Ève, dans lequel on prétend que Milton a consacré un événement de sa vie, un raccommodement entre lui et sa première femme. Nous sommes persuadés que les grands écrivains ont mis leur histoire dans leurs ouvrages. On ne peint bien que son propre cœur en l'attribuant à un autre, et la meilleure partie du génie se compose de souvenirs. Adam s'est retiré seul pendant la nuit sous un ombrage. La nature de l'air est changée. Des vapeurs froides, des nuages épais obscurcissent les cieux. La foudre a embrasé les arbres. Les animaux fuient à la vue de l'homme. Le loup commence à poursuivre l'agneau. Le vautour a déchiré la colombe. Adam tombe dans le désespoir. Il désire de rentrer dans le sein de la terre, mais un doute le saisit. S'il avait en lui quelque chose d'immortel, si ce souffle de vie qu'il a reçu de Dieu ne pouvait périr, si la mort ne lui était d'aucune ressource, s'il était condamné à être éternellement malheureux. La philosophie ne peut demander un genre de beauté plus élevé et plus grave. Non seulement les poètes antiques n'ont jamais fondé un désespoir sur de pareilles bases, mais les moralistes eux-mêmes n'ont rien d'aussi grand. Ève a entendu les gémissements de son époux. Elle s'avance vers lui. Adam la repousse. Ève se jette à ses pieds, les baigne de larmes. Adam est touché. Il relève la mère des hommes. Ève lui propose de vivre dans la continence ou de se donner la mort pour sauver sa postérité. Ce désespoir, si bien attribué à une femme, tant par son excès que par sa générosité, frappe notre premier père. Que va-t-il répondre à son épouse ? Ève, l'espoir que tu fondes sur le tombeau et ton mépris pour la mort me prouvent que tu portes en toi quelque chose qui n'est pas soumis au néant. Le couple infortuné se décide à prier Dieu et à se recommander à la miséricorde éternelle. Il se prosterne et élève un cœur et une voix humiliés vers celui qui pardonne. Ses accents montent au séjour céleste, et le Fils se charge lui-même de les présenter à son Père. On admire avec raison dans l'Iliade les prières boiteuses qui suivent l'injure pour réparer les maux qu'elle a faits. Cependant, Milton lutte ici sans trop de désavantage contre cette fameuse allégorie. Ces premiers soupirs d'un cœur contrit qui trouve la route que tous les soupirs du monde doivent bientôt suivre. Ces humbles vœux qui viennent se mêler à l'encens qui fume devant le Saint des Saints. Ces larmes pénitentes qui réjouissent les esprits célestes. Ces larmes qui sont offertes à l'Éternel par le Rédempteur du genre humain. Ces larmes qui touchent Dieu lui-même. Tant a de puissance la première prière de l'homme repentant et malheureux. Toutes ces beautés réunies ont en soi quelque chose de si moral, de si solennel, de si attendrissant, qu'elles ne sont peut-être point effacées par les prières du chantre d'Ilion. Le Très-Haut se laisse fléchir et accorde le salut final de l'homme. Milton s'est emparé avec beaucoup d'art de ce premier mystère des Écritures. Il a mêlé partout l'histoire d'un Dieu qui, dès le commencement des siècles, se dévoue à la mort pour racheter l'homme de la mort. La chute d'Adam devient plus puissante et plus tragique quand on la voit enveloppée dans ses conséquences jusqu'au Fils de l'Éternel. Outre ces beautés qui appartiennent au fond du paradis perdu, il y a une foule de beautés de détails dont il serait trop long de rendre compte. Milton a surtout le mérite de l'expression. On connaît les ténèbres visibles, le silence ravi, etc. Ces hardiesses, lorsqu'elles sont bien sauvées, comme les dissonances en musique, font un effet très brillant. Elles ont un faux air de génie, mais il faut prendre garde d'en abuser. Quand on les recherche, elles ne deviennent plus qu'un jeu de mots puérils, pernicieux à la langue et au goût. Nous observerons encore que le chantre d'Éden, à l'exemple du chantre de l'Ausonie, est devenu original en s'appropriant des richesses étrangères. L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter. Cet art de s'emparer des beautés d'un autre temps pour les accommoder aux mœurs du siècle où l'on vit a surtout été connu du poète de Mantoue. Voyez, par exemple, comme il a transporté à la mère de Rial les plaintes d'Andromaque sur la mort d'Hector. Homère, dans ce morceau, a quelque chose de plus naïf que Virgile, auquel il a fourni d'ailleurs tous les traits frappants, tels que l'ouvrage échappant des mains d'Andromaque, l'évanouissement, etc. Et il en a quelques autres qui ne sont point dans l'Énéide, comme le pressentiment du malheur, et cette tête qu'Andromaque échevelée avance à travers les créneaux. Mais aussi l'épisode de Rial est plus pathétique et plus tendre. Cette mère qui, seule de toutes les Troyennes, a voulu suivre les destinées d'un fils. Ses habits devenus inutiles, dont elle occupait son amour maternel, son exil, sa vieillesse et sa solitude, au moment même où l'on promenait la tête du jeune homme sous les remparts du camp. Ce Femineo ululatu sont des choses qui n'appartiennent qu'à l'âme de Virgile. Les plaintes d'Andromaque, plus étendues, perdent de leur force. Celles de la mère de Rial, plus resserrées, tombent avec tout leur poids sur le cœur. Cela prouve qu'une grande différence existait déjà entre les temps de Virgile et ceux d'Homère, et qu'au siècle du premier, tous les arts, même celui d'aimer, avaient acquis plus de perfection.